Michel Nicolaï. Je vous tuerai. Chapitre 1. Lionel Catford sortit brusquement de son sommeil. Ouvrant les yeux, il vit Mamba qui se tenait devant lui, impassible. Chaque matin, quand son serviteur noir entrait dans sa chambre pour l'éveiller, il éprouvait la même frayeur irraisonnée. Était-ce la démarche souple et silencieuse du Foulbé ou son mystérieux visage d'idole qui l'impressionnait? Il ne s'en rendait pas compte. Depuis 3 mois que Mamba était à son service, il songeait à le renvoyer. Mais il le trouvait si décoratif, si bien accordé à sa renommée d'auteur policier, qu'il ne s'y décidait pas. Que de fois avait-il entendu une de ses jolies visiteuses s'exclamer « Votre Mamba me fait peur, c'est un véritable géant. Et toutes ces cicatrices, et ce regard aigu comme un javelot dont il vous transperce. Il vous en faut du courage pour l'accepter dans votre intimité. » Il souriait un peu dédaigneusement. En réalité, il ne savait pas s'il était courageux ou non, ne s'étant jamais trouvé dans des circonstances qui nécessitassent de lui pareille vertu. Mais dans les 42 volumes traduits et connus dans le monde entier, il s'était identifié à Ned Allan, un policier aventureux qui connaissait les destins les plus contraires. Et cela lui donnait parfois plus l'impression d'être lui-même un héros que d'en avoir créé un de toutes pièces. Notre héros, donc, prit la tasse de café que Mamba lui tendait. « Le courrier est-il arrivé ? » demanda-t-il, bien qu'il sût qu'il était trop tôt encore. Mais le silence du noir lui était insupportable. « Pas encore, monsieur, » répondit celui-ci laconiquement. Catford soupira. Il aimait recevoir des lettres. C'était, chaque matin, un peu d'inconnu qui entrait dans sa quiète demeure de Cheslin Place, aux maisons aristocratiques et ennuyeuses. La plupart étaient admiratives. Les autres contenaient des demandes d'argent. Il n'y répondait jamais, quelle que fût la raison invoquée. Enfin, les dernières venaient d'éditeurs ou de directeurs de journaux qui, en termes flatteurs, lui demandaient une collaboration qu'il refusait rarement, car sa puissance de travail était très grande et il menait un train de vie princier. « Il y a ceci, monsieur, » fit Mamba en tendant une lettre. « Pourquoi ne le disais-tu pas plus tôt ? Je te demandais si le courrier, ce n'est pas le courrier, elle était glissée sous la porte. » « Curieux !» Il tourna et retourna l'enveloppe dans ses mains avant de l'ouvrir. Elle était d'un modèle bon marché et ne portait aucune indication de bureau de poste. Elle avait été portée par son expéditeur. Il l'ouvrit. Elle ne contenait que 3 mots, tracés en majuscules, sur une feuille de papier ordinaire. « Je vous tuerai !» Son premier mouvement fut de hausser les épaules. Quelle sinistre plaisanterie ! Lequel de ses amis devait-il accuser ? Depuis quelque temps, il fréquentait une bande de surréalistes, friands d'effets drôles, d'aventures saugrenues et de blagues d'étudiants. Sans doute, l'un d'eux avait-il imaginé d'envoyer cette menace. Mais il n'arriva pas à se convaincre. Soudain, son cœur se serra, il ressentit, à l'épigastre, une douleur jamais éprouvée. Il comprenait brusquement que, quelque part, un être le haïssait et qu'il avait décidé de le supprimer. Mais pourquoi ? Il était un homme comme les autres, ni meilleur ni pire. Avait-il fait du mal ? Son plus grand péché avait été d'aimer les femmes. Mais s'en était-elle jamais plainte ? Il avait toujours rompu un gentleman. Bien sûr, il y avait eu Sylve. Mais elle était morte maintenant, et le seul qui eût pu penser à le venger était hors d'état de nuire. Sylve ! Sa pensée brusquement revint vers le passé. C'était au cours d'un voyage dans le Yorkshire qu'il avait rencontré la jeune fille. Vaguement ennuyé, il errait sur la plage bruyante de Scarborough, que peuplaient des gens en vacances, quand il s'arrêta devant un théâtre en plein air où jouait le soir une troupe en tournée. Les photos affichées étaient tout bonnement épouvantables. Il ne put s'empêcher de rire en les contemplant. Une jeune personne sortit à ce moment de la tente et le regarda avec indignation. « Vous trouvez ça drôle ?» lui demanda-t-elle en le prenant par la manche. Fort égayé, il répondit à son interlocutrice, sans même lever les yeux sur elle. « Très ! On se demande comment on a pu réunir une telle collection d'horreurs !» Avant qu'il ait eu le temps de prévoir ce qui lui arrivait, une gifle claqua sur sa joue. « Eh bien, qu'est-ce qui vous prend ?»« C'est ma troupe, et je ne peux pas supporter que vous l'insultiez !» C'est alors qu'il la regarda. Elle était très jolie, avec des yeux trop grands et trop bleus. Sous le peignoir posé à la diable, il devinait un corps frais et dru, comme une branche de lilas. Elle n'avait certainement pas plus de 18 ans. Elle se tenait devant lui, rouge et indignée. Il n'eut pas le courage de se mettre en colère. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous peiner. Est-ce que vous vous trouvez sur ces portraits ?»« Me voilà !» L'image, qui représentait une danseuse maniérée et précieuse, était vulgaire. La jeune fille l'examinait sans aménité pendant qu'il regardait le portrait. Au mouvement de sa main, il devina qu'une deuxième gifle était toute prête. Il se retint de sourire, mais d'une voix douce lui confia « Il n'y a qu'un coupable, celui qui vous a photographié. Si vos compagnes sont aussi jolies que vous, je suis prête à faire amende honorable. C'est cela, vous allez vous en tirer par un compliment. Mais la beauté, nous nous en moquons. Ce n'est pas cela qui compte. Nous sommes des danseuses, monsieur. Pendant des années, nous avons lutté pour suivre notre vocation. C'est difficile, surtout quand on est pauvre. Je comprends. « Vous ne comprenez rien du tout. Pour aller au studio de danse, je devais faire des économies. Le matin, je gardais des enfants. La nuit, j'étais téléphoniste dans un hôtel. Mais chaque après-midi, pendant 3 heures, je pouvais étudier. Savoir danser, ce n'est pas tout. Les impresarii ne viennent pas vous chercher chez vous. Quand on m'a engagée dans cette troupe, j'étais bien contente. Il y a longtemps que vous en faites partie ?» « Depuis hier. Vous avez l'esprit confraternel puisque vous défendez vos compagnes en les connaissant à peine. Je me souviens du mal que j'ai eu pour devenir l'une d'elles. » À ce moment, une voix appela « Sylve !» Et la jeune fille s'éloigna. « Quand vous reverrai-je ? » cria Catford. Elle dédaigna de répondre. Le même soir, il assistait à la représentation et, à toutes les séances, on put le voir assis à la même place. Sylve ne semblait point le remarquer jusqu'au jour où il attendit devant la porte, la prit par le bras et l'entraîna. « Vous me devez une réparation, » annonça-t-il. « Non !»« Si, et pour votre punition, vous serez obligé de souper avec moi. » Elle finit par s'exécuter. Il se souvenait encore quel bel appétit elle avait montré. L'adorable fille, comme elle le changeait des femmes snobs et sophistiquées qu'il avait connues jusque-là. Elle avait toujours vécu dans sa famille, détestant d'instinct les aventures faciles. Il lui avoua qu'il l'aimait. Elle rit d'abord. La danse l'intéressait plus que l'amour. Pourtant, peu à peu, elle s'attacha à lui. La présence de Lionel lui était douce. Ce qui devait arriver, arriva. C'est elle qui lui tendit ses lèvres la première, comme on offre en présent une fleur ou un fruit. Elle ignorait toute espèce de calcul. Quand son cœur eut parlé assez haut, elle l'écouta. Et elle fut à lui, simplement, fougueusement. Lorsqu'il rentra à Londres, elle le suivit. Incapable d'aimer deux choses à la fois, elle renonça à la danse. D'abord, elle l'amusa. C'était un petit être tendre et capricieux, une sorte d'animal familier. Il s'en était vite épris. Lassé d'elle, il l'avait quittée, lui laissant en cadeau une jolie villa près de Maidenhead. 2 jours plus tard, elle s'y était suicidée. Personne n'avait rien su de leur idylle. La jeune femme avait été aussi discrète dans sa mort qu'elle l'avait été dans sa vie. Il avait vite oublié son égoïsme lui cachant ses responsabilités. Il se sentait en sécurité. Pourtant, une semaine plus tard, un grand garçon brutal était venu menacer l'écrivain. Il ne revint jamais et, par les journaux, Lionel Catford avait appris que ce dernier était le frère de Sylve et qu'il avait été condamné à 5 ans de prison pour vol à main armée. Malgré lui, ses yeux se portèrent sur le macabre message « Je vous tuerai ». Il se mit à rire, mais son rire n'éveilla aucun écho joyeux. Mamba le regardait, son visage couleur de miel n'exprimant aucune surprise. « Quelqu'un veut me tuer » expliqua-t-il, gêné de sa soudaine hilarité. « Oui, monsieur, » fit le domestique, sans se départir de son calme. « Cela ne te fait pas plus d'effet, » constata-t-il avec un rien d'amertume. La mort vient à son heure, le grand méhari noir s'agenouille devant la porte et il faut le monter. Lorsqu'il ne s'agit pas de soi, on en parle toujours à son aise. Tu peux retourner à ton travail. Juste à ce moment, le téléphone retentit. Lionel Catford étendit la main avec impatience. Chaque matin, à 7 heures, Ivy avait l'habitude de l'appeler. C'est elle qui donnait à la journée naissante sa couleur et sa joie. « Allô ? » dit-il d'un ton très tendre. « Je vous tuerai !» fit une voix inconnue et lointaine, un peu étouffée. « Qui êtes-vous ? Voyons, cessez cette stupide plaisanterie. Pourquoi le feriez-vous, d'abord ?» Un déclic. L'autre avait raccroché. Alors, c'était vrai. D'un bond, il fut debout. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi ? 20 fois dans ses romans, il avait utilisé une situation semblable. Quel beau début ! Une lettre de menace. La police avertie, le crime commis malgré elle, le coupable puni. Belle consolation, pensa-t-il rageusement. Il ne voulait pas mourir, il aimait la vie. À 35 ans, il jouissait à peine de son succès et il lui faudrait quitter la scène. Tout cela parce qu'un fou en avait décidé ainsi. Non, il saurait se défendre. Il récapitula les livres qu'il avait écrits. Dans Triple meurtre, 3 avocats, tour à tour, recevaient une missive de ce genre. Tous les 3 succombaient, bien que des détectives alertés ne les eussent pas quittés d'une semelle. « Je suis fou, » dit-il en se dirigeant vers la salle de bain. « Toutes ces situations ont été inventées par moi. » Elles sont fausses, gratuites et n'ont aucun rapport avec la vie réelle. Ces belles phrases ne réussirent pas à changer le cours de ses idées. Au moment de se raser, il se sentit si nerveux qu'il n'osa pas se servir de la lame qu'il venait déguiser. « Mamba ! » appela-t-il. Le noir se dressa devant lui sans qu'il eût entendu venir. « Rase-moi, veux-tu ? » Il s'assit d'un air las. Une longue main immobilisa sa nuque, une main froide. Le rasoir brilla d'un éclat net. Il vit au-dessus de lui une figure sombre, des yeux cruels. Sa dernière heure était-elle venue ? Il poussa un cri de frayeur. La lame glissa sur son cou. Quelque chose de chaud coula sur sa chemise blanche, la tachant de pourpre. « Au secours ! » hurla-t-il. Mamba, toujours silencieux, étanchait la blessure toute fraîche et la pansait adroitement. « C'est votre faute, monsieur, vous avez bougé, » dit-il. Lionel Catford se leva, s'approcha du miroir. Il était affreusement pâle. Il fit un effort pour reprendre son calme et demanda d'une voix coupante « Pourquoi voulais-tu me tuer ? Que t'ai-je fait ?» Un léger sourire éclaira la figure sombre du Foulbé. « Vous tuez, » répliqua-t-il, « pourquoi faire ? Vous mourrez quand le temps sera venu, sans que j'y sois pour rien. »« Va-t'en, mais va-t'en donc !» cria l'auteur de romans policiers. « Sinon, je suis capable de... » La porte se refermait. Il se laissa tomber sur un siège. « Ils ne mourront pas, » dit-il, « je saurai bien les empêcher. Et tout d'abord... » Il passa dans son cabinet de travail, prit l'annuaire, chercha une adresse, forma sur le cadran un numéro. « Ici, Lionel Catford, » fit-il quand il eut obtenu la communication. « Je désirerais être reçu par l'inspecteur Ellis. » Chapitre 2. À l'entrée du visiteur, l'inspecteur Ellis leva un regard intéressé. Il connaissait Lionel Catford de réputation et il avait lu à peu près tous ses livres. Il adorait les romans policiers et prétendait volontiers que leurs auteurs étaient aussi capables de faire de bons détectives que des criminels dangereux. Dans quelle catégorie allait-il classer l'homme qui s'encadrait dans la porte de son bureau ? Il remarqua son élégance, sa réelle beauté, ses mains longues et nerveuses, des mains inquiètes, attentives, sensibles. À celle-ci, il comprit qu'il avait affaire à un homme traqué. Il reprit aussitôt son visage professionnel. « En quoi puis-je vous être utile ? » demanda-t-il après avoir désigné un siège à son interlocuteur. Catford, brièvement, exposa la situation. Il se sentait en confiance auprès de ce policier robuste et calme, aux yeux perçants. « Je le mettrai dans une de mes œuvres, » se dit-il en lui-même, « c'est-à-dire si j'en ai le temps. » Ellis étudiait la lettre de menace. Il sonna. À l'agent accouru, il confia le papier pour un examen de laboratoire. « Je ne pense pas que cela puisse nous donner une indication, » expliqua-t-il, « mais on ne sait jamais. » « Vous croyez que la situation est grave ?»« Je me garderai d'en sous-estimer l'importance. Vous venez me demander protection. Je dois agir comme si je vous croyais en danger et non victime d'une farce plus ou moins macabre. Que dois-je faire ? Vous fier à moi. Je vais prendre toutes les mesures nécessaires à votre sécurité. Permettez-moi de vous accompagner chez vous pour me rendre compte des lieux et de votre entourage. » Les deux hommes descendirent ensemble dans les froids couloirs de Scotland Yard. « J'ai ma voiture, » dit Lionel Catford. « Voulez-vous que nous la prenions ?» Déjà, il ouvrait la portière de l'Auburn. Sur le volant, un papier était fiché. Avant de le lire, il devina les mots qui y étaient écrits. Ses yeux rencontrèrent ceux du superintendant. Celui-ci le prit par l'épaule. « Servons-nous de mon auto. Elle est moins belle, mais plus sûre. » Catford se laissa tomber à côté de son compagnon sans dire un mot. Il était très pâle et n'avait même plus la force de crâner. Perdu dans ses pensées sinistres, il regardait machinalement autour de lui la foule animée, se pressant dans les allées et les avenues tumultueuses. C'étaient toujours les mêmes promeneurs, les mêmes arbres, le même ciel qu'il avait admiré la veille. Pourtant, tout lui semblait changé. Le danger qui le menaçait obscurcissait cette journée de juin. Ils étaient arrivés. Mamba vint ouvrir avant qu'ils aient sonné. « Justement, on demande l'inspecteur Ellis au téléphone, » dit-il. « Parfait. » Le policier prit l'écouteur. Après quelques secondes, il raccrocha, puis, se tournant vers Catford, expliqua brièvement « Deux sortes d'empreintes sur la lettre, les vôtres et celles d'un inconnu dont nous n'avons aucune indication dans nos fichiers. Elles peuvent être de votre domestique. Je vais l'interroger. » Mamba, appelé, donna volontiers ses empreintes et ne sut rien dire de plus que ce que le détective avait appris déjà. Ellis, suivant Catford, visita la maison, qui était immense et bizarre, avec son amoncellement d'objets barbares, de masques cingalés et d'idoles africaines. Au mur, des lances de fer savamment taillées, des poignards, des arcs, des sagaies. « Il y a là de quoi vous tuer plusieurs fois, » constata-t-il un peu narquoisement. « Je m'en rends compte, je n'oserais plus recevoir personne ici. » « Pourquoi n'habiteriez-vous pas un hôtel où nous pourrions plus facilement exercer notre surveillance ?»« Que pensez-vous du Splendide ?»« Très bien. Deux de mes hommes sont à la porte et vous y accompagneront quand vous aurez préparé vos bagages. Ils veilleront sur vous. Je vais vous retenir une chambre et vous y retrouverez. Toutes nos dispositions seront prises. Maintenant, je vais être franc avec vous. » Vous ne pourrez échapper à votre persécuteur qu'en veillant à tout ce que vous faites, à tous vos gestes, même les plus insignifiants. Vous devez vous garder à chaque instant. Chaque passant est un danger. Chaque porte ouverte, chaque paquet reçu, chaque plat apporté peut déceler un piège. Un objet tombant d'un échafaudage peut vous atteindre, une voiture peut vous renverser, Un promeneur peut vous assaillir, vous pouvez être enlevé. Ne donnez aucune suite à une lettre vous priant de vous déplacer, même si elle est signée de mon nom. Méfiez-vous de tout et de tous. » Lionel Catford resta un moment rêveur. « Et cela durera jusqu'à quand ? » demanda-t-il enfin. « Jusqu'à ce que votre adversaire se lasse, jusqu'à ce qu'il commette une faute et se fasse prendre, ou... jusqu'à ce que je sois mort. Nous ferons tout pour empêcher cette éventualité. Pour le reste, je m'en rapporte à votre expérience et à votre présence d'esprit. Tout imprévu doit être sévèrement proscrit. Mieux, il doit vous effrayer, même s'il paraît minuscule. Vous m'avez bien compris ? Cela ne va pas être gai, mais puisque ma vie en dépend... Et maintenant, faites vos valises. Avez-vous l'intention d'emmener Bamba ? Oui, j'aurai besoin de lui. Nous le logerons non loin de vous, mais il sera sous notre surveillance. Je veux encore vous poser une question. Vous connaissez-vous des ennemis ? Un tas de gens me détestent, que mes succès littéraires ennuient. Mais je ne vois pas un critique me tuer parce que l'intrigue de meurtre d'un fantôme lui semble trop faible, pas plus que j'imagine un confrère moins chanceux hâter ma disparition pour se faire plus facilement éditer. Votre famille. Mes parents sont morts. Je n'ai plus qu'un vague cousin immensément riche, planteur quelque part au Brésil, dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis 10 ans. Quant à mon héritage, je dois avouer que je n'ai pas encore fait mon testament. Je sens que je vais y penser sérieusement. Rien ne presse, mais enfin, c'est une bonne chose de prendre en tout temps ses dispositions. Catford ne put dissimuler une légère grimace. À propos, si vous le désirez, nous dînerons ensemble chez moi ce soir, proposa l'inspecteur. La solitude ne vous vaut rien. Vous êtes trop aimable. Avant de sortir, Élise fit volte-face et demanda « Avez-vous l'intention de tenir l'affaire secrète ?» Naturellement, il me déplairait fort que la presse s'emparât de ceci. La curiosité insatiable des autres ne me serait d'aucun secours, bien au contraire. Le détective était dans la rue. Un marchand de journaux passa près de lui en hurlant quelque chose d'un pur accent cockney. Il ne comprit pas tout de suite, mais se ressaisit brusquement. En 3 enjambées, il rejoint le vendeur. « Le standard, vite !» En première page, il vit, au-dessus du portrait de Lionel Catford, cet en-tête suggestif. Le plus grand romancier d'Angleterre menacé de mort. De bout en bout, il lut le papier. Ayant terminé, il poussa un juron. Rien ne manquait à l'information, pas même la visite à Scotland Yard. L'article était signé d'un nom de journaliste connu, Rosemary Vane. En quelques minutes, il fut au journal et demanda à la voir. On l'introduisit aussitôt dans une salle cliquetante du bruit des machines à écrire. Une jeune personne aux cheveux roux, au visage juvénile, plein de taches de rousseur et au regard narquois, se leva à son approche. « Vous avez demandé à me parler ?»« Oui, au sujet de votre article. »« Hélas, je dois vous faire un aveu. » Bien qu'il soit sensationnel, je suis obligé de le renier. Je n'en ai pas écrit une ligne. Mais alors, je ne comprends plus. Je suis arrivé, il y a 1 heure, en avion, du continent où j'ai fait un reportage, juste à temps pour recevoir les félicitations de mon directeur au sujet de cette fameuse révélation. J'ignorais tout. L'article, signé de moi et tapé à la machine, est arrivé au journal dans une enveloppe qui a été glissée dans la boîte à lettres du standard. On n'a pas douté un instant de son authenticité. Est-ce que, par hasard... Tout est exact, terriblement exact. Et me voilà compromise. Au moins, cela me permettra de suivre l'enquête. Voulez-vous que j'établisse mon alibi ? Venez voir mon directeur pour commencer. Élise la suivit et ne put s'empêcher d'admirer son corps harmonieux. Juste à ce moment, Ivy Layton, une aristocratique femme blonde dont chaque semaine les revues mondaines donnaient le portrait, prenait son téléphone et demandait Lionel Catford. « Allô, mon cher, admirable votre publicité. Mais pourquoi ne m'en aviez-vous pas parlé ?»« Quoi ? Que dites-vous ? Ce n'est pas possible. Écoutez, il faut absolument que je vous voie tout de suite. Chapitre 3. Lionel Catford marchait de long en large dans la chambre luxueuse qu'il occupait au Splendide. Depuis 3 jours durait ce sinistre cauchemar. Même s'il sortait vivant de l'aventure, il se demandait sérieusement s'il garderait toute sa raison. Un danger que l'on connaît n'est rien, mais celui qui rampe autour de vous comme une bête immonde use les nerfs avant de vaincre. Car l'ennemi de l'écrivain vaincrait, il en était sûr. Par moments, il souhaitait que ce fût tout de suite. L'inspecteur Élise avait, tout autour de lui, tissé un réseau de protection qui paraissait infranchissable. Il avait peur quand même. Et comme c'était ennuyeux de se sentir surveillé à chaque instant. C'est à peine s'il avait pu voir Ivy Layton le jour où il avait été menacé. Elle était venue chez lui en cachette par une porte que ne connaissait pas la police. Et cette visite avait été si douce. Quand elle avait compris qu'il était menacé, elle lui était tombée dans ses bras, émue et palpitante, elle qui, justement, semblait incapable de se départir jamais de sa réserve. Ainsi, il avait su qu'elle l'aimait. Et cela, juste au moment où il ne pouvait pas laisser s'épanouir cette tendresse. Jusqu'à présent, elle s'était laissée courtiser par lui sans céder. En la tenant contre lui, il avait senti qu'elle était prête à se donner. « Chérie, je veux rester avec vous, » avait-elle décidé. « À nous deux, nous serons plus forts. Rien ne pourra vous arriver. »« C'est impossible, vous le savez bien. Votre divorce n'est pas encore prononcé. Vous risqueriez de le perdre par votre imprudence et je veux que la femme que j'épouserai ne puisse être en butte à la méchanceté publique. » M'épouser ? Vous ne me demandez pas si je suis prête à tenter l'expérience du mariage pour la 2e fois ? Pourquoi le demander ? Je suis sûre que vous ne pouvez refuser cette joie à un homme qui est au bord de la mort. Ne parlez pas ainsi, mon amour vous gardera. Elle avait tendu ses lèvres comme un présent somptueux, et il s'était séparé d'elle, plein de douceur et d'espoir. « Quand vous reverrai-je » avait-elle demandé en le quittant. « Pas maintenant, je vais quitter cette maison. Où irez-vous ? » Il fut tenté de le lui dire, mais il se souvint de la promesse qu'il avait faite à l'inspecteur. « C'est un secret. Même pour moi, vous n'avez donc pas confiance ?»« Totalement, mais j'ai peur que, sachant où je suis, vous ne soyez tenté de me voir et vous vous compromettiez ainsi. » Pourquoi pensez-vous à moi maintenant ? Vous seul comptez. » Malgré sa tendre insistance, il tint bon. En repensant à cette scène, il sourit. Si elle avait su. Ils habitaient sous le même toit en ce moment. Lorsque, à la suggestion d'Élise, il avait proposé l'hôtel Splendide, c'était instinctivement pour se rapprocher d'elle parce qu'elle y habitait. Un étage les séparait seulement. Chaque fois qu'il sortait, il avait peur et souhaitait à la fois de la rencontrer. Mais le hasard ne le voulait point. « Cher Ivy !» Machinalement, il alla jusqu'à la fenêtre pour jouir de cette journée triomphante. « Non, monsieur !» fit une voix derrière lui. Il se retourna courroucé et vit Mamba qu'il n'avait pas entendu entrer. « De quoi te mêles-tu » demanda-t-il sans aménité. « La fenêtre est dangereuse, les policiers l'ont dit. »« Au diable les policiers !»« Quels sont vos ordres pour ce soir ?»« Je sors avec mes gardes de corps et dînerai chez l'inspecteur. Prépare mon smoking et c'est tout. » Mamba disparut. Catford l'entendit qui prononçait quelques mots à voix basse. D'un bond, il fut sur lui. « Que disais-tu ? » « Un proverbe de mon pays, simplement. » « Veux-tu le répéter ?»« Pas la peine, monsieur. »« Si, j'y tiens. » »« Eh bien, voilà, on dit en pays Foulbé, si tu rencontres quelqu'un qui ne boit, ni ne mange, ni ne dort, ni ne fréquente les autres, fuit sans tourner la tête. C'est un fantôme. » Avant qu'il ait eu le temps de répondre, Mamba avait disparu. « Charmant !» ironisa Catford. « Et si vrai !» La nourriture, le sommeil, l'amitié ne comptaient plus dans sa vie. Il était un fantôme qu'on n'avait pas encore tué, un futur mort au lieu d'un mort ancien. Il haussa les épaules. Le mieux pour passer le temps était encore de travailler. Il s'approcha de sa machine à écrire et, très vite, comme en une sorte d'état second, ses doigts se mirent à courir sur le clavier. Il avait commencé un roman, était-ce un roman ou une autobiographie, qu'il pensait intituler « Je vous tuerai ». C'était son histoire. Il y confessait sa vie tumultueuse, ses aventures, ses craintes et y consignait dans les moindres détails ses actes et ses pensées actuelles. Si jamais ce livre paraissait, ce serait un document humain de grande importance, quelque chose comme le journal d'un condamné à mort qui serait gracié à la dernière minute, car bien entendu, le livre ne pourrait paraître que si l'assassin était pris sans avoir eu le temps de commettre son forfait. 2 heures s'écoulèrent. Londres se baignait dans le crépuscule et ses hautes maisons semblaient tout à coup plus imposantes, plus tristes. Lionel Catford leva la tête et soupira. Partir à la campagne, connaître la griserie de la vitesse, sentir le vent fouetter son visage et tenir Ivy contre soi. Il eut soudain une envie folle de voir celle qu'il aimait. Juste le temps de la serrer contre lui, de lui murmurer les mots qui montaient de son cœur à ses lèvres en une vague douce. Il n'y put tenir. Allant à la porte, il appela les deux gardiens en civil qui se tenaient dans le couloir et leur chuchota « L'inspecteur vous fait dire de l'attendre en bas dans le hall. » Les hommes obéirent aussitôt. Comment se seraient-ils doutés que l'écrivain désirait les éloigner? Ils s'en remettaient d'habitude complètement à eux et obéissaient à toutes leurs suggestions. Quelques instants plus tard, Lionel Catford descendait l'escalier après avoir jeté un coup d'œil autour de lui. Personne à l'horizon. En ce moment, l'amour lui avait fait oublier totalement le danger qui le menaçait. Devant l'appartement d'Ivy, où si souvent il était venu, il fit une pause, juste le temps que se fussent calmés les battements de son cœur. Enfin, il frappa. On ne lui répondit pas tout de suite. Déjà, il s'inquiétait quand il s'aperçut que la clé était sur la porte. Dans le corridor, une femme de chambre apparaissait, portant un plateau. Il entra rapidement. Du salon, un chuchotement lui parvint. Il souleva la portière et resta figé sur place. Ivy n'était pas seule. Sur le même divan se tenait Selby Farlane, un jeune peintre qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois. Et celui-ci tenait Ivy serrée contre lui avec une passion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il fixa Catford avec surprise. La jeune aristocrate était décoiffée et rouge. Elle se dressa très en colère. « Qui vous a permis d'entrer ?»« J'ai eu tort de le faire, mais je m'y croyais autorisée par les circonstances et vos propos. » « Je suis ravie de me rendre compte assez tôt de ce que vous êtes. Il était temps. Allez-vous-en, nous n'avons plus rien à nous dire. » « Pas avant que... » L'invité d'Ivy s'était levé menaçant. « Catford, faites-moi le plaisir de sortir. » L'écrivain ferma le poing et frappa de toute sa force. Le peintre, touché au menton par le terrible crochet, s'affala sur le tapis. Ivy, avec des mots désolés, s'agenouilla près de lui, lui prit la tête dans ses mains. Incapable de contempler cette scène de tendresse plus longtemps, Catford s'enfuit. Sur la porte, il bouscula la femme de chambre qui revenait, portant toujours son plateau. Il s'excusa, vit à peine qu'elle avait, sous son bonnet blanc, une épaisse toison fauve et remonta chez lui. Vite, il fallait faire vite. Le téléphone sonna. Une voix anonyme annonça « L'inspecteur Élise est en bas. Priez-le de m'attendre quelques instants. » Il raccrocha et s'affaira à chercher son smoking. « M'en bas ! M'en bas » appela-t-il. Nul ne répondit. Rien n'avait été préparé. C'était la première fois que le noir négligeait son service. Lionel Catford alla à la penderie et prit le vêtement qu'il devait porter. Il s'habilla en hâte. Un quart d'heure après, il appelait l'ascenseur, s'assurait qu'il n'y avait personne dedans, car il était redevenu prudent, et descendait. Dans le hall, ses deux gardiens lui firent un signe. Au volant de sa voiture, Élise l'attendait. « Faites vite, mon cher !»« Excusez-moi !» Brusquement, il se rappela qu'il avait oublié de faire quelque chose d'important. Il était trop tard pour remonter chez lui. Haussant les épaules, il s'assit à côté du détective. Mettant machinalement la main dans sa poche, il remarqua un papier plié, le sortit, l'ouvrit et lut cette phrase « Je vous tuerai ». Il sentit cette fois que tout était perdu. Chapitre 4. Vers 10 heures, le superintendant Ellis poussa la porte de l'hôtel Splendide. Il était inquiet sans avoir de raison spéciale de l'être. Le portier le salua avec déférence. Il eut un soupir de soulagement, rien ne s'était passé. Au troisième étage, il trouva les deux anges gardiens de Catford devant sa chambre. « Quoi de nouveau ? » interrogea-t-il. « Rien, chef. Avez-vous vu votre protégé ?» La femme de chambre lui a monté son plateau, vérifié par nous. Biscotte dans une boîte intacte, livrée ce matin même, et 2 œufs crus. « Je l'ai entendu la remercier, » fit l'un d'eux. « Et depuis ?»« Tout est silencieux. Je suppose qu'il s'est rendormi. » Élise rentra dans la pièce. Lionel Catford gisait comme mort. L'inspecteur s'approcha de lui. Le cœur battait encore, très faible. Il appela ses hommes. « Prévenez le docteur King, qu'il vienne immédiatement. » Il retourna près du malade et tenta de le ranimer. Que s'était-il passé? S'agissait-il d'un accident ou l'ennemi caché avait-il triomphé? Pourquoi cette crainte absurde, puisque tout à l'heure il était vivant et qu'il semblait se porter à merveille? Un malaise sans plus. Il interrogeait en vain le visage marbré de plaques rouges, les longues mains crispées sur la couverture. La pièce semblait en ordre. Par la fenêtre grande ouverte, entrait l'air chaud d'une matinée d'été. Des enfants criaient dans la rue. On entendait le grelot d'une bicyclette. Catford respirait avec peine, ses lèvres desséchées laissaient passer une plainte légère. « Empoisonné, » pensa Élise, « mais comment ? Personne n'est entré ici. Un poison à retardement, alors ? Impossible !» On frappa, un grand homme maigre apparut, portant une trousse. Sans dire un mot, il commença l'examen du malade. Prestement, il prit une ampoule de caféine, en remplit une seringue, fit une piqûre. « C'est grave ?» demanda Élise après un moment. « Empoisonnement alimentaire, crise violente de botulisme. Il va mourir ? Plus aucun espoir. » « Je pensais, docteur, qu'on ne pouvait avoir une crise de botulisme qu'en absorbant du boudin mal cuit. » La crise peut être également provoquée par l'ingestion de gibier forcé à la course, d'huîtres gelées, de charcuteries, d'œufs ou de crèmes avariées. Le diagnostic est net, symptômes colériques, visage cyanosé, extrémités froides, troubles visuels. Je ne puis rien pour le malade. Qu'a-t-il mangé hier soir ? Il a partagé mon repas et pris exactement les mêmes aliments que moi. Curieux, je vais essayer un traitement. Dans quelques instants, je reviendrai. Il sortit. La femme de chambre entra pour chercher le plateau. On l'a eu tout de même, dit-elle en entrant. Hélas, Miss Vane, je crois que votre travail de domestique est terminé. Vous allez pouvoir bientôt faire un article sensationnel. » Que s'est-il passé ? Je n'en sais rien. Le médecin n'a même pas envisagé la possibilité d'un meurtre. Mais pour ma part, je ne peux croire à une intoxication accidentelle. Rosemary Vane avait retiré son léger bonnet empesé et son tablier. Elle furetait autour d'elle. Tiens, regardez. D'un morceau de papier, elle sortit un dossier sur lequel était écrit « Je vous tuerai », roman inédit par Lionel Catford. Il contenait une trentaine de feuillets. « Pauvre type, espérons qu'il pourra le terminer. » Une nurse entrait avec le docteur. Élise, qui se refusait à croire à la version d'un empoisonnement alimentaire, fit un effort pour secouer le morne ennui que la défaite mettait en lui. Se penchant sur le plateau, il examina soigneusement. Quelques miettes de biscotte, deux coquilles d'œufs, un couteau d'argent, une petite cuillère. Il prit une coquille, la tournant et la retournant pensivement entre ses doigts. Sans même s'en rendre compte, par un geste instinctif, il éleva en l'air, la mira devant la fenêtre, face au soleil matinal. Soudain, il s'immobilisa. Un trou imperceptible, fait comme par une minuscule aiguille, perçait la fragile enveloppe. Il saisit l'autre œuf. La seconde coquille, mirée, était également trouée. On a injecté le microbe du botulisme dans ses œufs, à une dose mortelle. Voilà la clé du mystère, pensa-t-il. Il savait maintenant qu'il avait à combattre un ennemi sans pitié, rusé, féroce. La lutte allait commencer. Élise serra les poings. Il allait venger l'homme qu'il n'avait pas su défendre et qui mourait par ce beau matin parfumé qu'il ne pouvait voir et qui était le dernier de sa vie. Des fleurs arrivaient sans cesse. Le corps de Lionel Catford reposait maintenant dans une chapelle ardente. Chacun des visiteurs s'exclamait sur la beauté de son visage. Une dernière fois, l'inspecteur Élise le contemplait. Il l'avait connu inquiet, tourmenté. Maintenant, il jouissait de l'éternelle paix. Pendant ce temps, le meurtrier se félicitait de son œuvre et croyait à son impunité. Peut-être est-il là, dans la foule de ceux qui se pressaient autour du grand romancier. Le détective laissa errer ses regards autour de lui. Lequel était-ce ? Cet homme rouge de teint et l'air courroucé ? Non, c'était un éditeur. Que venait faire ici cette femme endeuillée qui tournait et retournait dans sa main une boule de dentelle qui n'était que son mouchoir trempé de larmes ? Et ce jeune garçon, au regard dur et comme vengeur ? Des coupables, il en voyait partout. Il se sentit tiré par la manche. Rosemary Vane lui faisait signe de la suivre. Depuis le matin, elle avait disparu. Son rôle de femme de chambre joué, elle était redevenue journaliste. Il fut content de revoir son regard clair. Il avait confiance en elle. Quand elle lui avait offert son aide, il avait accepté tout de suite. Les femmes ont souvent de merveilleuses intuitions. Maintenant, tous deux se retrouvaient face à face dans la chambre qui avait été celle de la victime. « Où en sommes-nous, inspecteur ? » interrogea-t-elle. L'analyse des œufs a confirmé ma théorie. Ils contenaient des microbes du botulisme en quantité suffisante pour tuer une cinquantaine de personnes. Catford ne pouvait échapper à son assassin. Dites-moi, maintenant, qui a pu approcher du déjeuner que vous étiez chargé de remettre ? Les œufs sont arrivés à la cuisine. Je les ai pris et suis monté à l'étage. Je les ai disposés sur un plateau dans le petit réduit qui se trouve au bout du couloir. C'était à peine terminé quand j'ai été appelé au téléphone. L'appareil se trouve à l'extrémité du couloir. Je m'y suis rendu. L'inspecteur prit un air sévère. Vous n'auriez pas dû. Vous étiez en service commandé. Rosemary rougit violemment. C'est que... Enfin, c'est vous qui me téléphoniez. Il se souvint brusquement qu'il l'avait appelé de bonne heure afin d'avoir des nouvelles de Catford. et cela n'avait été qu'un prétexte. Ce qu'il voulait surtout, c'est entendre sa voix qui lui était déjà familière. Et c'est à cause de cela... Non, à quoi bon avoir des remords? Le meurtrier, de toute façon, avait son plan et l'aurait exécuté. Comment l'inspecteur aurait-il pu prévoir cette nouvelle manière de tuer et déjouer cette infernale machination? Ces 4 minutes ont suffi pour injecter le poison dans les œufs. Le meurtrier était prêt à saisir l'occasion. Il était au courant de tout ce que faisait sa future victime. Il habite donc ici. Il y habite encore, car personne n'a le droit de quitter cet hôtel. Il sortit un papier de sa poche et le lui tendit. Ils sont 37 clients, 37 assassins possibles, dont nous devons fouiller la vie. Heureusement, nous avons quelques indices. Le journal que tenait Lionel Catford. L'avez-vous lu ? Pas encore. J'ai dû organiser la surveillance des gens du Splendide et interroger ceux qui étaient chargés de garder Catford. Je vais le faire maintenant. Me permettez-vous de vous aider, ou ai-je démérité à vos yeux ? Hélas, pas plus que moi, puisque je n'ai pas pu empêcher ce crime. Mais cette fois, je ne me pardonnerai pas un nouvel échec. L'assassin doit être puni. La journaliste eut un sourire confiant qui le réconforta. Où est Mamba ? Dit-elle brusquement. Hier soir, Catford s'est plaint à moi qu'il l'ait abandonné. Pourtant, il n'a pas quitté l'hôtel et ce matin, il était prêt à répondre au coup de sonnette de son maître. Est-il dans les suspects ? Le sais-je, je n'ai rien relevé contre lui. Ses empreintes, qui étaient sur la première lettre de menace, devaient s'y trouver puisque c'est lui qui a ramassé l'enveloppe. Le contraire aurait pu le faire soupçonner. Nous l'aurons à l'œil comme les autres. » Tout en conversant, Rosemary fouillait dans le petit secrétaire de Catford. D'un tiroir, elle sortit une feuille de papier. L'ayant parcouru des yeux, elle poussa une exclamation. « Son testament, inspecteur !» Ils le lurent ensemble. Lionel Catford léguait sa fortune à Ivy Layton. « Il me semble avoir entendu ce nom, » fit le détective. « Je pense bien, c'est une de nos grandes mondaines. »« Oh, les mondanités, je m'en occupe peu. »« Non, ce doit être ailleurs, et il y a peu de temps. »« N'est-ce pas sur cette liste même ?» Il relut celle-ci, et, après quelques instants, s'exclama. « J'avais raison, Ivy Layton habite ici, chambre 222. »« Curieux !» Il nous faut la voir tout de suite. » Suivi de la journaliste, il dégringola l'escalier. Ils étaient devant la porte. Rosemary poussa un léger cri. « Inspecteur, cela me rappelle quelque chose, que j'ai été sotte de l'oublier. Je voulais vous en parler tout de suite ce matin. Et cette mort sinistre !»« Savez-vous quelque chose ?» Oui, hier après-midi, j'étais dans la lingerie à guetter les allées et venues de l'étage Catford quand je vis celui-ci appeler vos hommes et les renvoyer. Un peu après, l'écrivain descendait. Je pris l'escalier de service et me trouvai presque en même temps que lui devant cette porte. Il entra, le bruit d'une brève discussion me parvint. Je le vis ressortir, très pâle, l'air bouleversé. Il me bouscula et rejoignit sa chambre. « Restez ici, je vous rejoins tout de suite. » Rosemary obéit. Quand l'inspecteur Ellis se fut assuré auprès des deux agents chargés de la surveillance de Catford que celui-ci avait, en effet, quitté sa chambre, après les avoir envoyés la veille, il remonta. « Allons, » dit-il en entraînant la jeune fille. Elle ne lui obéit pas tout de suite. Étonnée, elle regardait une étrange scène qui se passait devant ses yeux. Mamba descendait l'escalier d'un air altier. Tout à coup, avec des hurlements, un jeune garçon se jeta sur lui. Il l'étreignait, s'accrochant à ses jambes, poussant des grognements indistincts qui pouvaient passer aussi bien pour exprimer la joie que la peur. Très doucement, Mamba le détacha de lui. L'enfant pouvait avoir une quinzaine d'années. sa bouche entrouverte, l'étrange mollesse de son corps, son regard ahuri, disaient suffisamment qu'il était un dégénéré mental. Une nurse apparaissait. Mamba, après quelques mots échangés, prenait l'enfant par la main et le conduisait devant une porte. Puis, sans s'occuper de l'inspecteur, il poursuivit sa route. Chapitre 5. Pour la première fois de son existence, l'inspecteur Elise regrettait de n'être pas un homme du monde. Ivy Layton l'impressionnait. Elle était belle, mais sa beauté passait au second plan. Elle semblait parfaite en toute chose. On sentait qu'elle accomplissait chaque jour les rites secrets qui font d'une femme un être de luxe. Habillée à ravir, mais paraissant simple, maquillée discrètement, parfumée juste à point, elle charmait par cette espèce d'harmonie qui se dégageait d'elle. Son sort, on le devinait, était d'illuminer, de briller sans éblouir. Mais qui avait-il donc sous ce masque? Est-ce que son visage, parfois, était chaviré de passion ou de crainte? Est-ce que la volupté dérangeait le pli de ses cheveux? « Je vous écoute, inspecteur, » disait-elle d'une voix bien timbrée. « J'ai plusieurs questions à vous poser concernant la mort de Lionel Catford. » Elle inclina la tête avec un rien de tristesse. « Le connaissiez-vous ? » ?»« On me l'avait présenté il y a quelques mois, en effet. C'était un être charmant. » »« Il a fait, un peu avant de mourir, un testament en votre faveur. » Elle ne parut pas surprise. « Il m'avait demandé en mariage. Saviez-vous qu'il avait testé à votre profit ?»« Oui, il m'en avait averti. J'ai essayé de l'en dissuader. Je n'étais encore rien pour lui, et j'étais certaine qu'il vivrait. » Une telle franchise plaisait à l'inspecteur. Rosemary s'en aperçut avec un tout petit peu de jalousie. Cette femme était si belle. Elise continua. « L'avez-vous vu hier ? Il est venu me voir dans l'après-midi. » Juste à ce moment, le téléphone retentit. D'un geste tout naturel, l'inspecteur prit l'appareil. « Monsieur Ferlin est en bas, » dit la voix du portier. « Priez-le de monter. » Il se retourna vers son hôtesse. « C'est un de vos amis, » dit-il brièvement. Elle sembla brusquement moins sûre d'elle. « Peut-être n'est-ce pas le moment de recevoir, » suggéra-t-elle. « Pourquoi pas ? » répliqua-t-il d'un air innocent. Le visiteur entrait, baisait la main d'Ivy Layton et regardait les intrus d'un air surpris. Brièvement, le policier expliqua pourquoi il était venu. Ferlin eut un sursaut et, se tournant vers sa maîtresse, « Vous n'allez pas accepter, j'espère. »« Pourquoi pas ? » Vous ne pouvez rien avoir à faire avec cet homme. Mesurez vos paroles, il est mort. » Ferlin serra les poings. Il n'a que ce qu'il mérite, mais je ne veux pas que vous acceptiez cet héritage à aucun prix. Vous divaguez, mon cher, je ferai ce qui me plaira. Hier, il nous a surpris ensemble. Il vous haïssait dès lors, vous le savez bien, et s'il en avait eu le temps, il aurait supprimé son testament. Ivy lui faisait face. « Dites tout de suite que je l'ai tué. »« Pourquoi pas? Vous en êtes bien capable. Je sais le rôle que joue l'argent dans votre vie. Vous m'auriez sacrifié pour Catford, mais cela n'était pas nécessaire. Vous pouviez avoir les deux choses que vous désiriez, sa fortune et mon amour. Vous me faites horreur. » Ivy se contenta de hausser les épaules. « Vous êtes fou, mon pauvre ami. » Pendant toute cette querelle, Rosemary et l'inspecteur se contentaient d'écouter. Que de choses ils apprenaient ainsi! Ferlin balbutiait quelques mots d'excuses et s'enfuyait. À leur tour, les deux enquêteurs sortirent. Elise, en s'inclinant devant Ivy, s'était contentée de la prier de se tenir à sa disposition et de ne pas quitter l'hôtel sans l'en prévenir. D'un air dédaigneux, elle avait acquiescé. « Cette femme me déplaît, » dit Rosemary quand ils se retrouvèrent seuls dans la chambre du crime. L'inspecteur ne put dissimuler un sourire. « Cela ne m'étonne pas. Pensez-vous vraiment qu'elle puisse être coupable ? » Ferlaine l'a accusé. Oui, dans un accès de jalousie. Il doit le regretter déjà. En tout cas, nous ne la perdrons pas de vue. Un policier entrait, tenant une carte de visite à la main. Un monsieur demande à vous voir d'urgence. Bon. Il jeta un coup d'œil sur le Bristol et tressaillit. Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? L'autre eut l'air de ne pas comprendre. Il se reprit. C'est bien, faites-le monter. Par-dessus son épaule, Rosemary lut le nom du visiteur, Lionel Catford. Bah, inspecteur, les fantômes n'ont certainement pas de carte de visite. Convenez qu'au premier abord, il y a de quoi être surpris. On frappait. Un homme entrait. Il ressemblait d'une façon frappante à l'écrivain. Même stature, même très fin, mais la ville avait marqué rudement de son empreinte et, à ses vêtements, on devinait qu'il connaissait la pauvreté. « Je viens au sujet de la mort de mon cousin, commença-t-il. Je suis son seul parent et désire m'occuper de sa succession. » « Il m'avait en effet parlé de vous. J'ignorais votre prénom. Il nous vient d'un grand-père et nous avons toujours regretté de le porter en même temps. Mais comme nous habitions au debout du monde, cela ne nous gênait pas. En effet, je savais que vous étiez au Brésil. J'avais là des plantations. J'ai été ruiné par des spéculations malheureuses et j'ai regagné Londres pour trouver de nouveaux capitaux. Sans y réussir, je dois l'avouer. » « Êtes-vous depuis longtemps ici ?»« 1 mois. »« Et votre cousin l'ignorait ?»« Cela vous étonne, c'est que vous le connaissez mal. »« C'était un snob. S'il m'avait su pauvre, il m'aurait traité avec dédain, ce que j'aurais difficilement supporté. »« D'autant plus qu'il ne pouvait m'être d'aucune aide. »« Il refusait toujours de prêter de l'argent. »« Pauvre garçon, il n'a pas eu le temps de jouir de sa fortune. » Et maintenant, celle-ci va me permettre de me remettre au travail. Je dois vous donner une mauvaise nouvelle. Il a fait un testament en faveur d'une tierce personne. Un changement effrayant se fit dans la physionomie du visiteur. La colère déformait ses traits. « Qui est-ce ? » interrogea-t-il. Élise le mit au courant en quelques mots. « Cela ne se passera pas comme cela. » « Je verrai cette femme et lui ferai rendre ce qui m'appartient. »« Adressez-vous à un notaire. Il verra si l'on peut attaquer le testament. »« Pour ma part, je ne peux rien pour vous. »« Voyons, cette femme l'a tué pour hériter de lui, c'est évident. »« Rien ne le prouve. On peut faire la même supposition en ce qui vous concerne. »« Vous étiez acculé. Pourquoi n'auriez-vous pas supprimé votre cousin puisque vous pensiez être son héritier ?» « Moi, vous osez, je vous ferai rentrer vos paroles dans la gorge. » Il se jetait sur l'inspecteur. Celui-ci l'attrapa au poignet et, par une passe de jujitsu, le jeta à terre. Quand l'autre se releva, il lui conseilla « Tenez-vous tranquille, sinon je serai obligé de sévir. Maintenant, vous pouvez disposer. Laissez-moi simplement votre adresse et ne quittez pas la ville sans m'en avertir. » Maté, l'autre obéit. Dès qu'il eut quitté la pièce, le détective prit le téléphone et ordonna à l'un de ses hommes de prendre Catford en filature. « Ne le quittez pas d'un pas et faites votre rapport toutes les 3 heures. » Quand il releva la tête, Rosemary se tenait devant lui. Elle était pâle et ses taches de rousseur apparaissaient plus vivaces. « Quelle brute ! » dit-elle. Son inquiétude baigna Élise de douceur. Il eut envie de la prendre dans ses bras, de lui dire tous les mots qui montaient à ses lèvres. Il se retint. Pas maintenant. Tout d'abord, il fallait triompher. « Occupons-nous de ce fameux manuscrit, » fit-il. Ils le lurent ensemble et n'apprirent rien de nouveau, à part l'existence de Sylve et la menace faite par son frère. « Encore un coupable possible, » dit l'inspecteur. « Une enquête sera facile à faire. Écoutez, Miss Vane, j'ai une idée. Dites, il est 5 heures, allons faire un tour à la campagne. Cela nous aérera les idées. Défense absolue, par exemple, de dire un mot de l'affaire. Pendant ce temps, Scotland Yard travaille pour nous. Tous nos suspects seront munis d'un curriculum vitae. Leurs moindres gestes nous seront signalés. En m'asseyant devant ce bureau demain, je n'aurai plus qu'à dire qui est l'assassin. Cela vous va ? Très bien, je vous promets même de n'en rien dire à mes lecteurs. S'ils s'imaginaient le fameux inspecteur Élise en train de balader une jeune fille sur les bords de la Tamise, ils ne croiraient plus à rien. Je suis donc entre vos mains. » Cependant, ils ne partirent pas tout de suite. Mamba entra dans la chambre alors qu'il s'apprêtait à la quitter. « Qu'y a-t-il ? » interrogea le détective d'un ton bienveillant. « J'ai trouvé un emploi auprès d'un client de l'hôtel, M. Maitland. Je voulais vous signaler qu'il a l'intention de m'emmener avec lui et son fils à Henley-on-Thames. Fort bien, laissez-moi votre adresse. Je vais aller l'interroger afin qu'il soit libre de partir. » Mamba les conduisit auprès de son nouveau maître. C'était un beau vieillard aux yeux très clairs, comme délavé par les larmes. Son fils était le jeune idiot qu'ils avaient vu dans l'escalier. En quelques mots, M. Maitland leur expliqua que l'enfant s'était attaché à Mamba et que celui-ci manifestait une grande bonté envers lui. Pendant qu'il parlait, Frank gribouillait sur des feuilles de papier. Rosemary, se penchant sur lui, vit qu'il était très doué. En ce moment, il dessinait la scène qui était sous ses yeux. Elle était frappante de réalité et tous les personnages reconnaissables. Il reproduit ainsi tout ce qu'il voit. C'est sa seule façon de s'exprimer, expliqua son père. Et il est impossible de lui enlever un seul de ses dessins. Il les conserve tous. Vous me les montrerez un jour, fit poliment Élise, sensible à la noblesse de ce père douloureux. « Volontiers, inspecteur. Venez me voir un jour dans mon cottage. »« Merci, avec plaisir. » Ces derniers mots furent dits machinalement. L'inspecteur ne pensait nullement visiter M. Maitland à la campagne. Chapitre 6. À nous, inspecteur. Rosemary Vane s'est lancée vers Élise, la main tendue, et lançait cette interrogation. Pendant deux jours, un reportage l'avait tenue éloignée de Londres. À peine arrivée, elle avait téléphoné à son nouvel ami. Tous deux se trouvaient maintenant au Café Royal et s'entretenaient à voix basse. « D'abord, vous me manquiez beaucoup. » « Naturellement, tout Sherlock Holmes a besoin de son Watson, » dit-elle en plaisantant pour cacher le plaisir que lui causait cette phrase. « J'ai des tas de choses à vous raconter. » D'abord, mon enquête auprès des 37 clients du Splendid ne m'a donné aucun résultat. Je le pensais. Ils restent en surveillance pour le moment, tout en étant libres de circuler. Mamba est parti avec la famille Maitland. J'ai découvert sur lui une étrange chose. Il a étudié pendant plusieurs années dans un collège parisien avant de venir à Londres pour devenir valet de chambre. Les intellectuels connaissent aussi leur crise. Peut-être n'a-t-il pas pu s'employer autrement. Qui vous dit qu'un jour, je ne serai pas obligé de faire du raccommodage ? Jamais, je ne vous abandonnerai pas. Je préférerais plutôt vous offrir une situation de tout repos auprès de moi. Nous en reparlerons. Pour le moment, mon directeur est enchanté des tuyaux que j'ai sur le crime. Il parle même sérieusement de m'augmenter. Je vous ferai quand même ma proposition un de ces jours. Avant-hier matin, coup de théâtre. Le jeune Fairlane vint s'accuser d'avoir tué Catford. Tout de suite, je vis qu'il mentait, car il n'avait aucune idée du poison dont on s'était servi pour empoisonner la victime. Il couvrait quelqu'un. Justement, ayant trop parlé et compromis Ivy Layton, il essayait de se racheter. Les confrontant, il me fut facile de voir qu'ils avaient passé la nuit ensemble, non à l'hôtel, mais chez Fairlane même. Catford avait surpris le couple et knockoutait le peintre. Ivy avait raccompagné ce dernier, malade, à son domicile. Elle ne rentra qu'après 9 heures, alors que Catford avait déjà pris son petit déjeuner. Tous deux sont donc hors de cause, leur alibi ayant été confirmé. Voilà qui doit déplaire au cousin du Brésil. Eh eh, je n'en suis pas si certain. Savez-vous où il a passé ces deux soirées? Je n'en ai aucune idée. Horis avec notre vamp. Il paraissait s'amuser follement. je crois qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. Si, une fois le divorce d'Ivy Layton prononcé, ils se marient, la fortune de Catford sera partagée équitablement sans qu'il y ait besoin de procès. Cette femme sait fort bien défendre ses intérêts. Il ne vous reste qu'une piste, celle du frère de Sylve. J'ai cru à un certain moment qu'elle allait aboutir. J'ai vu moi-même le prisonnier qui n'a pas bougé de son cachot. Il hait Catford avec une violence toujours accrue et comptait bien lui faire son affaire dès qu'il sortirait de prison. À l'annonce de sa mort, il s'est effondré. J'ai eu un soupçon. Cela cadrait mal avec ce qu'il m'avait dit. Je finis par le confesser. Il avait confié son secret à un camarade de prison qui venait d'être libéré. Il craignait qu'il ne s'en soit servi pour faire chanter le romancier et n'ait été obligé de le tuer pour se défendre. Je me renseignais sur cet homme. Il n'était certainement pas coupable, car dès sa sortie, il avait cambriolé une voiture et la police l'avait reprise aussitôt. En somme, cela va mal pour vous. Je ne vous le cache pas. Rien n'est perdu, surtout maintenant que je suis là. Je ne demande pas mieux que de vous voir triompher. Je ne vous recommande qu'une chose, faites attention à vous. Nous avons affaire à un criminel dangereux que rien n'arrêtera. La conversation dévia bientôt sur des sujets moins macabres. L'inspecteur offrit à la jeune fille de l'accompagner jusqu'à sa porte. Je veux bien, mais je vous préviens que j'ai une course à faire. En chemin, elle entra chez un libraire et acheta d'un seul coup tous les 42 livres de Catford. Pensez-vous à prendre quelque chose là-dedans ? S'étonna Ellis. Je n'en sais rien, mais une idée m'est venue. Un romancier peut se faire des ennemis par ses écrits. Cela me paraît bien aléatoire. Tant pis. J'adore les romans policiers. Quand j'en commence un, je n'ai de cesse de l'avoir terminé. Ne m'oubliez pas pour ces affreux bouquins. J'ai l'intention de ne vous voir que lorsque j'en aurai terminé la lecture. Si, au moins, cela servait à quelque chose. Qui sait ? La poignée de main qu'ils échangèrent devant la porte fut longue, plus que ne le demandait la stricte politesse. Dans son bureau, l'inspecteur Ellis, penché sur ses dossiers, relisait une fois de plus tous les rapports concernant l'affaire Catford. Il était dans une impasse. Le téléphone retentit. Une voix étouffée, qu'il eut de la peine à reconnaître pour celle de Rosemary, se fit entendre. « Inspecteur Ellis, enfin je vous trouve. Je sais qui est l'assassin. Quoi ?» « Je vous attendrai dans 10 minutes devant Scotland Yard avec ma voiture. Armez-vous et apportez des menottes. Je suis certaine de ne pas me tromper. » Elle raccrocha avant qu'il ait eu le temps de dire une parole. Ellis dégringola l'escalier et pendant 8 minutes arpenta le trottoir. Enfin, la petite Austin de la journaliste stoppa devant lui. À peine s'était-il assis à côté d'elle qu'elle démarra. « Où allons-nous » interrogea-t-il. « Je vous le dirai après. Pour le moment, j'ai à vous parler. Comme vous le savez, j'avais l'intention de lire tous les romans de Lionel Catford. Au 7e, j'eus l'impression, bien que sûr de ne pas l'avoir lu auparavant, de retrouver une situation qui m'était familière. » Il s'agissait d'un jeune garçon qui volait une banque selon des moyens rocambolesques. En y réfléchissant, je me souvins que le même crime avait été réellement commis, exactement de la même manière indiquée dans le roman, paru bien avant. Sans nul doute, le jeune gangster s'en était inspiré. Mais il avait été surpris et tua 5 policemen avant d'être abattu à son tour. Je cherchais dans les journaux et retrouvais l'affaire dans tous ses détails. 2 choses me frappèrent. Le fait que Catford avait été menacé juste le jour anniversaire de la mort du jeune bandit et le nom de celui-ci. Et ce nom ? Richard Maitland. C'est donc son père que vous accusez ? Oui, j'ai maintes raisons de le faire. Maitland a exercé la médecine aux colonies autrefois. Il pouvait donc imaginer un empoisonnement aussi diabolique que celui qui a causé la mort de cet homme qu'il détestait et qu'il accusait de la mort de son fils aîné. Et plus encore, au moment du drame, Mamba vivait chez lui. C'est Maitland qui l'avait ramené d'Afrique et fait instruire. C'est donc ce qui explique l'attachement que le jeune Frank lui porte. Et aussi pourquoi le docteur Maitland était si parfaitement renseigné sur les actes de Lionel Catford. Rosemary, vous êtes admirable. Sans vous, le plus dur reste à faire, ne l'oubliez pas. Nous n'avons aucune preuve. Henley apparaissait dans la verdure. Le cottage des Maitland fut facile à trouver. Le vieux médecin, au bruit de l'auto, apparut sur le seuil. « Quelle bonne surprise » s'exclama-t-il. L'air grave de ses visiteurs ne parut pas le surprendre. Il les fit entrer dans une grande pièce où Frank, l'idiot, était occupé à dessiner. Rosemary s'approcha de lui et lui caressa la tête doucement. « Qu'y a-t-il, inspecteur? Vous pouvez parler devant lui, il ne comprend pas. » Élise hésita un instant. Devait-il biaiser ou accuser? Sa confiance en Rosemary était si totale qu'il choisit la deuxième solution. « Je sais que vous êtes l'assassin de Lionel Catford, » commença-t-il. « Tiens, tiens, et pourquoi ai-je tué ce monsieur? Vous devez le savoir aussi. » « Certainement, pour venger votre fils. » Il expliqua brièvement ce que la journaliste venait de lui apprendre. Maitland l'écoutait tout en jouant avec la chaîne de sa montre. Quand il eut terminé, il se mit à rire. « Belle histoire, inspecteur, et dénotant une vive imagination. Mon fils Richard a, en effet, connu une triste fin, mais je n'ai pas pensé en accuser Catford. » Je n'ai jamais lu un de ses livres et c'est tout à fait par hasard que Mamba nous a servi l'un et l'autre. Quant à ma présence à l'hôtel, elle n'a rien d'étonnant. Je vais chaque mois à Londres consulter un spécialiste pour Frank et, comme beaucoup de provinciaux aisés, je descends au Splendide. Des coïncidences ne suffisent pas pour faire condamner un homme. Prenez garde, inspecteur, vous risquez votre situation. » Élise, brusquement, se mit à douter de Rosemary. Il lui jeta un coup d'œil chargé d'inquiétude. Mais la jeune fille ne parut pas s'en apercevoir. Elle était en train d'examiner une pile de dessins que Frank, déjà apprivoisé, lui avait apportée. Tout à coup, elle se leva. Elle vint jusqu'au détective et lui montra une feuille. Maitland se pencha sur l'œuvre de son fils. Son visage se durcit brusquement. Il y eut pendant une minute un silence affreux. Puis Maitland disparut dans une pièce voisine où il s'enferma. Quelques instants plus tard, un coup de feu se fit entendre. L'idiot éclata de rire à ce bruit insolite. « Pauvre enfant !» murmura la journaliste. Avec de furieux coups d'épaule, Élise fit sauter la porte. Maitland gisait par terre. La mort avait fait son œuvre. Sur la table était un mot écrit d'une main ferme. « Je me suis servi de Mamba, mais il n'a jamais su le rôle que je lui faisais jouer. Il n'est pas coupable. Laissez-le à Frank. C'est la seule grâce que je vous demande. Force reste à la loi. Vous avez gagné. » « Il a expié, » fit l'inspecteur. « Quelle terrible chose que ce soit son fils qui l'ait trahi involontairement !» Rosemary rougit. « Ce n'est pas lui. »« Hein? Mais alors ?» Je devinais qu'il allait nier. Avant de venir, j'avais fait ce dessin où l'on voit Maitland faire une injection de poison dans les œufs. « Vous avez osé lui tendre un piège aussi cruel ?» Des larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. Il le fallait bien, voyons. Il la prit dans ses bras. Elle le regarda tendrement. Comme vous ne vouliez m'épouser qu'après avoir trouvé l'assassin, il a bien fallu que je m'en mêle. Je n'avais pas du tout envie de mourir vieille fille. Fin du roman de Michel Nicolaï. Je vous tuerai.